Exercice 4. Ils ont rendez-vous le 1er juin à 14h. 1. On est quel jour? On est le 21 mars. On est au printemps. 2. Notre train arrive le 14 avril à 15h17. 3. Tu es en vacances en août? Non, en septembre. 4. Vous partez en été? Oui, en juillet. 5. Je fais du ski en hiver, pas en automne. 6. Elle est née au XXe siècle, en 1999, le 31 décembre.